poser. S'insinue car vous êtes près de la rivière et vous voyez des cohortes noires de soldats pâles et gris, ceux des bois, ceux de l'organisation qui arrivent à pied en file indienne, tout de noir vêtus, armés, déterminés, précédés par un grand véhicule du temps jadis. Portant le drapeau noir de leur révolte, révolte contre les gris. Chaque phrase, chaque mot montre le vrai sens de la lutte de notre peuple. Enfin, s'ils sont contre les gris, ils sont avec nous. La haine de classe, la haine de tout un peuple jusqu'à la victoire du 17 péril. Ce sang nous impose de protéger notre foi, de protéger notre cœur sacré et de construire notre domaine qui prospère. Je viens de te dire. Religieux en avant. Notre peuple traverse d'énormes souffrances imposées par une ingérence étrangère. Toutes sortes de séparations au sein de nos communautés comme dans nos terres. Et notre voix est légitime. Car les. Dès qu'il aperçoit la cohorte, Karl se tourne vers Tania et dit « Il faut fuir d'ici avant qu'ils nous trouvent. » Mais enfin, si on leur dit qu'on est contre les gris. Mais t'as dit que nous devons fuir au plus tôt. J'ai parlé. Karl. Oui, gamin. Bien, je sais que nous ne sommes pas là pour la guerre, que nous restons ici unis pour la cocarde, mais il m'est avis que nous pouvons vivre en paix tandis que les gris et l'organisation se taperont dessus. Il faut qu'ils ne nous trouvent pas. Tu les as déjà côtoyés pour... Que viendra-t-il faire ici alors que depuis des mois, des années, il se terre dans les bois? Eh bien, c'est peut-être la contre-offensive face aux gris. Si ça se trouve, ils sont avec nous pour vaincre l'ennemi gris, l'occupant, la puissance étrangère qui nous occupe. C'est ce qu'ils nous disent, mais j'y crois pas. Tu crois qu'ils vont nous envoyer loin, loin dans les terres givrées comme avant-guerre? C'est vrai, c'est nous tous, aujourd'hui, je crains. Ce sacrifice est la source de notre champ. Mais pourquoi referait-il ça? Où est-ce qu'elle est passée? Ce sang s'est transformé en haine de classe. Il faut retrouver Tania. Oui, je suis... Vous étiez éloigné dans les faubourgs que vous aperceviez sur le chemin des corps de soldats de l'organisation, tout de noir vêtus. Ils sont pas loin, mais plus de tanière en vue. Leur char est à quelques pas 200, 300 mètres devant. L'antenne diffuse inlassablement le discours, les mots que tu avais renoncé à entendre, les mots qui s'insinuent en toi. Remonte le long de la rive à l'abri des bosquets. Je suis car son arme en main. Tu entends le cliquetis de la culasse qui joue. Il a logé une balle dans la chambre. Ces 15 années de combat, pose son arme, à la lutte menée par notre peuple, fouille dans ses poches. J'ai que 5 balles. Le champ montre clairement la force du combat. Mes camarades, pourquoi chercher le conflit avec eux? Pourquoi toujours tenter? Tu sais quoi? Je peux essayer de tenter de négocier avec eux. Enfin, négocier, simplement de parlementer. Tu attends, si je reviens pas d'ici une heure, ici. De toute façon, je partirai pas sans Tania, la pauvre petite, elle pourra pas survivre. Mais justement, je vais leur demander s'ils l'ont pas trouvé. Ça va être plus ça et le... On est... Ce que je te propose, c'est qu'on leur demande de ne pas venir nous agresser. En échange, on leur donne un peu de notre nourriture. Silure crevée, des mulots, tu crois que ça leur suffira? Non. Il y a ce qu'on a de bien intéressant pour eux. Une antenne, peut-être qu'on peut la retirer. Pour eux, pour ça peut leur servir d'arme. À effrayer les gris. Tu sais que... Ils détestent les bruits de l'antenne. Tu crois que ça suffirait à nous placer dans leur bonne grâce? Je pense. Mais de toute manière, si ça ne réussit pas, je m'enfuis. Et si je n'y arrive pas, si je ne suis pas de retour ici dans une heure, considère qu'ils sont nos ennemis. Ce sang nous impose de protéger le pouvoir du peuple, de protéger notre terre sacrée, de construire notre domaine pour qu'il prospère au rythme d'un prodigieux. Mais dubitatif, notre peuple traverse. Manifestement, il est préoccupé, tu vois sa mâchoire qui tressaille, signe de son inquiétude, sa... Il se mâchonne les lèvres nerveusement. Ses mains sont serrées, blanches, tout blême sur la culasse de son vieux fusil. Pose son arme. Je répugne à te laisser partir comme ça devant. Mais par le sang de tout un peuple qui s'est sacrifié depuis des siècles. Tu es vraiment certain? Oui. Aujourd'hui et aux générations futures. Ce sacrifice est la source de notre chant. Puis sur ce pas, enfin sur ces mots, je m'avance dans les... places la bandoulière de son fusil sur son arme, l'épaule. Je reste là, s'il se passe quelque chose, je te cours. Je poursuis dans les fourrés avant de sortir dans la plaine et de faire signe aux soldats de l'organisation. Tu avances dans les fourrés, accroché parmi ceux-ci, tu trouves un papier sur lequel... 15 années de combat s'ajoutent à la lutte menée par notre peuple depuis des millénaires. Notre peuple s'est sacrifié. Notre chant montre clairement le sens. C'est écrit ceci. Notre chant n'est pas écrit par un ou deux poètes, mais par le son de tout un peuple qui s'est sacrifié depuis des siècles. Il s'adresse à nous tous, aujourd'hui. C'est accroché dans les ronces. Et tu vois d'autres papiers qui ont été portés par le vent ou qui ont précédé ou sont tombés dans la suite de la cohorte. Je fais un signe à l'organisation. Ils sont un petit peu blessés. Et de construire notre domaine pour qu'il prospère au rythme d'un prodigieux bond en avant. Notre peuple traverse d'énormes souffrances imposées par une ingérence étrangère. Toutes sortes de séparations au sein de nos communautés comme dans les terres. Devant toi, il y a trois soldats qui sont penchés. Soldats, c'est l'odeur d'abord qui t'a attiré. Ils sentent le bois à plein nez, l'odeur d'humus. Camarades, se tournent, ils ont des visages pâles, livides, blêmes, émaciés, noués par les privations. Leurs cheveux sont collés, longs. Indisciplinés sur leurs joues, leurs épaules emmêlées dans les restes de leurs uniformes troués à mains endroits, couverts de ronces. Leurs uniformes, ce sont de grands habits noirs, noirs tachés, souillés par le bois, l'humus, l'herbe, la boue. Chacun tient l'un de ses fusils qu'ont les nettoyeurs, ceux qui viennent et qui ont dans l'idée de chasser tous ceux qui tentent encore de subsister dans les profondeurs de Binsk. Camarade. Ah bah viens toi. Viens là. Oui. Et des soudes. Bistre. Il a... C'est le plus grand des trois. Il a des poils disgracieux qui lui poussent partout sur le visage. Son visage est constellé de verrues, de petites blessures récoltées dans le bois. Ses yeux sont injectés de sang. Il s'est porté vers toi à grands pas et te fait signe d'avancer. Devant, juste devant, il y a la petite Tania et les deux sont penchés sur elle. Il y en a un qui la soulève. T'es une intello, toi ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Hein ? Il lui saisit ses lunettes. Non. Les prend, les tord. Et tu vois les verres éclater sous la pression. Allez. Mais camarade, c'est pour qu'elle puisse voir. Il donne un coup de crosse dans l'estomac. Tais-toi, avance. Mais qu'avons-nous fait ? Vous errez dans l'ignorance, d'aller voir. Un nouveau monde va naître. Tant qu'on peut vivre en paix et sans les gris... Nous allons lutter contre cette vermine. Mais d'abord, il vous faut abandonner vos errements. Le grand frère l'a dit. Le grand frère, comment il s'appelle ? Dalsaroth. Et quel est votre chef ? Dalsaroth, le grand frère. Allez, tu vas... Vous venez d'où ? Du bois. Et tu vas y aller. Et tu vas aller défricher. Allez, rejoins ton bataillon. Mais je suis pour la paix. Il n'y a pas de paix. Il y a une guerre larvée contre la vermine qui ronge l'humanité. Mais arrêtez de dire vermine. Ils vont réutiliser cet argument contre vous, camarade. Elle est en train de sangloter à quelques pas de toi. Vous voyez, regardez. C'est ce que vous voulez faire au peuple que vous vous prétendez défendre. Et tu vois... derrière l'épaule de l'homme qui te fait face, à qui tu t'adresses, juste derrière son épaule, dans ton champ de vision, le long de l'arbre, du faisceau d'arbres qui te mène sur le bord de la rivière où vous apprêtiez à pêcher, tu aperçois ton ami Karl. Mais enfin... qui ajuste son tir, tu entends le la culasse qui joue. À terre, à terre. Non, je dis ça, mais à Tania, à terre. Une détonation. La balle vient transpercer la poitrine de celui qui te faisait face. Il s'écroule face contre terre, lâchant son arme. C'est eux. L'un des deux tenait Tania par les cheveux. Il la lâche. Et moi, je lui colle une grosse rouste dans le dos. Tu le déséquilibres, il tombe par terre. Sur son arme, Tania se redresse, le deuxième est face à toi. Oui, mais logiquement, il y a Karl qui va... L'arme en main. Bouge pas. Ça laisse pas bouger. C'est Karl qui va le tuer. Oui, moi je vais se faire. Et effectivement, tu entends une nouvelle détonation. Le gros de la troupe s'est éloigné, c'est qu'un vague brouhaha mêlé à celui de l'antenne. Et l'homme qui te faisait face, l'arme en main, reçoit... une balle en plein front. Je me tiens à patte aussi sec avec Tania pour rejoindre Marx en courant pour gagner le plus de temps possible. Tania tombe. Je suppose que tu la soutiens. Oui, je la soutiens, je la porte sur moi. Et puis, tu la portes sur tes épaules. Je la supporte. limite, je me mets... Elle est très jeune. Ouais, tu peux la porter. Elle est toute maigre, les privations... Tania, je suis vraiment désolé pour leurs actes. Tu vois trois silhouettes noires dans un bosquet derrière... qui émergent d'un bosquet derrière Karl. Karl, attention! Il se retourne. Une volée de balles s'écroule dans le buisson. Du coup, j'essaye de me rabattre vers Pinsk. Pimsk. Ça ressemble à Minsk. Non, Pinsk. La Biélorussie. Tu cours vers l'estuaire de la Pripyat. Ouais, donc je le fuis. Et alors que tu arrives là où étaient les lunettes, là où tes pieds marchent sur les verres brisés, parmi les deux cadavres allongés dans le sol, le troisième se redresse, son arme en main. J'essaie de lui faire une balayette sur un de ses pieds pour le déséquilibrer une fois encore. Il est un genou au sol, un genou à terre, l'arme en main. Bouge plus. Pose-la. Tu vas rejoindre le bataillon. Dites-il au besoin d'autant de violence et de violer la paix pour... votre bataillon. Non. Je n'avancerai pas tant que vous n'aurez pas retrouvé des lunettes pour Tania. Il écrase ses gros godillots sur les lunettes. Et tu sens un grand coup dans tes côtes. Un autre coup dans tes côtes. Tu t'effondres de douleur. Ceux qui ont assailli Karl sont arrivés à ta hauteur. Tu as lâché contre ton gré Tania. Tu entends toujours le discours du grand frère résonner. On te traîne. On te roue de coups sitôt que tu élèves la voix. Opposes-tu une quelconque forme de résistance? Non, pas spécifiquement. Qu'est-il arrivé à Karl selon toi? Il a été abattu. Il est donc mort? Oui. Et qu'éprouves-tu cette certitude? Sur quoi s'adosse-t-elle? Tu es certain que les balles de ces gens de la forêt auront abattu le rude gaillard venu du nord? Oui. En plus, il était de la terre des gris, paraît-il. À mesure que vous marchez dans le bois, vous marchez dans le bois vers l'orée de la vallée, vous êtes rejoint par d'innombrables personnes sortis des décombres des Sovok. Et tu trouves sur le sol, jonchant le sol, de petits papiers blancs qui ont été disséminés comme ceux que dissémine les nettoyeurs lorsqu'ils veulent enjoindre les populations à quitter les lieux impies selon eux. De la même façon, l'organisation a dispersé sur la route dans la ville qu'elle a vidée entièrement de sa population. Ceux qui se refusent à venir ont été abattus, ceux qui ont résisté ont été abattus. Il y a des gens blessés, malades, qui sont sur la route, sur la sente par laquelle sont venus les hommes noirs, les membres de l'organisation. Tu dis, malgré toi, tu te souviens ce que tu as appris. Il n'y a plus d'échanges, plus de plaintes, plus de jérémiades, plus de vols, ni pillages, car il n'y a plus de propriété. Renonce à tous tes biens, à ton père, à ta mère et à ta famille. Il ne faut pas nourrir de sentiments individualistes. Les enfants sont les enfants de l'organisation. Seul un enfant qui vient de naître est pur. Le labeur nous sauvera. Le bien de chacun tire dans un ballot. Il n'y a plus d'échanges, plus de plaintes, plus de jérémiades, plus de vols ni pillages, car il n'y a plus de propriété. Il ne veut pas nourrir de sentiments individualistes. Les enfants sont les enfants de l'organisation. Seul un enfant qui vient de naître est pur. Le labeur nous sauvera. Le bien de chacun tire dans un ballot. Et là, tu as résumé tout ce que promet comme avenir l'organisation à la grande cohorte que vous formez. Les survivants des Sovok, ceux de Pimsk, ceux de la rivière Pripyat, vous êtes jetés sur les sentes, tous ensemble, blessés, malades. Les membres de l'organisation sont aussi effrayants que des ersatz, ceux que vous avez entrevus dans vos chasses avec Karl. Tu as dû renoncer aux mots bienfaiteurs de l'antenne, les mots du temps jadis qu'elle diffusait, qui parlaient de pluvieuses, de cocardes, de liberté, de paix. Et désormais, tu es sur les sentes en ce 17 péril, sous les ordres du grand frère. Former des bataillons, les gens sont regroupés. Ceux qui cherchent à s'assembler sont séparés. On t'a séparé de la jeune Tania, cherches-tu à la rejoindre ? Je cherche à la retrouver, mais sans le montrer plus que ça. Comment faire pour simple, ne pas éveiller l'intention ? Je fais de simples recherches tout en le dissimulant par des actes, par exemple comme monter, faire le guet, etc. Ben, chaque fois j'essaye de glaner des informations sans trop éveiller l'attention. Et dans ce même jour, simplement vous formez des bataillons sur la sente. Et dans ta sente, tu vois que les gens s'arrêtent. Tu as vu un vieillard qui n'arrivait plus à avancer. L'un des membres de l'organisation s'approche, sort de son étui, son pistolet, et lui loge une balle dans le crâne. Tu n'es plus utile, vieillard. Tu ne vaux pas la balle que je t'ai logée dans la tête. Pourquoi l'avoir tué alors s'il ne volait pas cette balle ? Il nous ralentit. Et on aurait pu... Et si tu parles encore, tu nous ralentiras aussi, car je devrais dépenser une deuxième balle. Il ne prête même pas attention à toi et continue. Allez, on va tomber tout ça. Et la cohorte qui est en file, un homme après un homme, s'achemine vers une espèce de pupitre improvisé au bord de la route où est arrêté le char qui tourne au ralenti, dont le moteur gronde dans dans des volutes de mazout. Une odeur pestilentielle qui rompt avec le charme qu'avaient dispensé les abords de la forêt. Et un à un, les gens sont dépouillés de leur chevelure, tondus comme les bêtes que tiennent les grilles pour leurs élevages. On s'approche de l'un des membres de l'organisation qui tombe à la diable avec une tondeuse à main. Ça évitera la vermine dans les essarts, dit-il régulièrement. Mort à l'organisation. Mort à vos actes liberticides. Mort à votre système ignoble. Tu reçois un coup de crosse dans la mâchoire. C'est comme ça que vous prétendez... A été fatal à ton élocution. En tout cas, tu me sens que la douleur dans ta bouche, la rancœur à leur égard, mais c'est encadré par deux factotums robustes malgré leur allure famélique que tu viens toi-même à te faire tondre. Mais tu as une espèce de compensation. On te jette dans un groupe, et là, deux personnes te relèvent. Tais-toi. C'est Piotr qui t'aide à te relever. Lui qui a du mal à tenir sur ses propres jambes. Tu vois qu'il a une blessure à la jambe. Tu vas pas pouvoir tenir le rythme. Ta langue. Tiens ta langue, gamin. Pense aux autres. Donne l'exemple. Enfin, si personne ne fait rien, va rester dans l'organisation jusqu'à la fin de nos jours. Nous trouverons un moyen. Entends-tu la recommandation de ton ami Piotr ? Oui. Et c'est ainsi que s'achève cette odieuse journée du 17 péril qui a vu la ville de Pinsk vidée de sa population, chassée par l'organisation. Qui t'a vu renoncer à quoi as-tu renoncé de fait ? La paix. Donc je t'invite à rayer les trois renoncements auxquels tu as consenti. La paix, tu rayes la ligne. Enfin, la paix parce que j'ai frappé quelqu'un, mais... Oui, oui. Mais je reste profondément pacifiste. Karl. Et quoi d'autre encore ? Bah, tu le fais avec le... Ah, je te l'ai repris, pardon. La paix, Karl... Et l'antenne. Bon, soit je reste pacifiste. Quand même. Même si j'ai... frapper quelqu'un dans le but de sauver une vie. Qu'as-tu pensé de cette première plongée dans l'univers de Charogne ? Moi j'aime bien. Bon, après c'est pas si dépaysant puisqu'il y a le Milvaux classique et puis le reste ça se reconnaît aisément. Enfin du moins pour moi qui... Enfin, je pense que c'est pas non plus super compliqué à comprendre que c'est la... L'opération Barbarossa, au moment où l'armée rouge commence à reprendre le terrain, l'organisation étant l'armée rouge, enfin, ou le parti, les gris, les forces de l'Axe, sur le sol de l'URSS. Enfin, et d'ailleurs, il y avait la référence de base de la Slavosie. Donc, tu as le sentiment d'évoluer dans un univers qui t'est... relativement connu, oui. D'accord. Tu peux les replacer, s'il te plaît. Essaye de les replacer de mémoire sur les zones. Et les pierres noires à l'identique. Non. Donc j'ai dit que le jeu comportait des étapes. Est-ce que tu as ressenti le fait que nous ayons abordé deux de ces étapes ? Alors déjà la première en fait c'était l'équivalent du world building. Enfin c'est un, je dirais pas que c'est du world building mais c'est une harmonisation de mon personnage et de mes liaisons par rapport à l'univers que tu proposes. D'accord. Via les questions. Et le deuxième temps, c'est une action, et je pense que l'action va se découper en plusieurs. Je pense en 4 temps par pur hasard, ou en 3 temps. Enfin, à moins que ce soit 9 comme le nombre de. Mais donc, le nombre de temps dans lequel c'est découpé est prémédité. Ça, j'en ai bien conscience. Mais ça reste l'action. As-tu senti une différence sur les atmosphères entre... T'as identifié donc deux temps, là, qui ont été joués. As-tu identifié une différence dans la tonalité entre ces deux temps ? Alors, déjà, dans ce que j'appelle l'harmonisation, après, si on le transpose au stade du conte, ça peut être la situation initiale, et que là, on a fait l'élément perturbateur. Donc, dans cette harmonisation, j'aime bien le terme... En fait, il n'y a pas vraiment énormément de tons donnés. C'est justement on harmonise nos deux tons, nos deux de grands amalgames d'idées. Mm-hmm. Et donc il y a un ton qui commence à s'imposer, mais il était relativement guilleret. Il n'y avait pas l'émergence du problème, et donc pour ça que je fais le parallèle au conte, il n'y avait pas vraiment de parallèle, enfin il n'y avait pas de problème si urgent que cela. Mmh. Et donc le ton a changé, les cocos sont arrivés. Et quoi ? C'est ce que j'ai utilisé, coco qui... Non, ça me va, vas-y. Si c'est pas très communiste. j'ai aucune réserve sur la terminologie que t'emploies. J'écoute attentivement ce que tu dis. Quand l'organisation est arrivée, il y a le ton déjà... Alors là, le côté radio de l'antenne, ça j'ai trouvé super bien. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si c'est un vrai texte ou un texte que tu as écrit toi-même, parce que j'ai réussi à identifier... il y a plein de la terminologie qui était de la dialectique qui était utilisée par les communistes d'époque, mais je me demande si c'est pas un vrai discours ou si c'est un discours que tu as toi-même créé de toute pièce. Alors, je peux te répondre sans déflorer mon sujet que c'est un discours réel qui est intervenu un 17 péril que j'ai transposé à l'univers de Millevaux. 17 avril. Et le discours, tu vois, hop. Le discours de Salotsar, le grand frère. Ouais, le Staline, le petit père des peuples qui a abusé de l'opium. Tu l'as entendu de façon diégétique. Non, mais j'ai compris toutes les paroles. Y a pas de... J'ai choisi de le laisser courir pendant toute la séquence volontairement. Ben, ça fait le côté litanie. Ça montre aussi que ils écoutent ça tout le temps où ils marchent. Et ils comprennent même pas la moitié de cette dialectique. Ils comprennent même pas ce que leur sort... Le petit père Salotsar. Enfin, pardon, le grand père Salotsar. Voilà. Grand frère. Oui, je sais, mais. Le mélange entre petit père et grand frère. Ou petit frère, mais du coup. Alors, il y a. Tu verras. Mais il y a. Bon, après, je suis convaincu que c'est pas du vrai communisme, mais bon, ça, tu le sais déjà. Mais donc, ouais, il y a un changement de ton, parce que déjà, il y a des notions de doute, il y a... Enfin, quand j'ai décrit la communauté, elle était très égalitaire, etc. Et finalement, dans les faits, il y a quand même une notion d'aîné... Enfin, j'ai pas à préciser, si je pense que tu commences à comprendre que quand je dis égalitaire, c'est un système anarchiste... Alors, au-delà de la communauté, j'ai une question. Est-ce que tu as perçu le péril, toi, en tant que joueuse, qu'il y avait à s'approcher de la cohorte? Ah oui, totalement, mais... Mais tu jouais ton personnage. Oui, oui, c'était... moi, notamment, quand je t'avais un peu expliqué que j'avais joué sur forum et sur Discord... c'est ce qu'on appelle jouer... Alors, c'est pas par rapport à la terminologie vraiment JDR, c'est jouer méta, mmh, avec tes connaissances personnelles. C'est pour ça qu'ils utilisent méta, comme quand, quand tu joues et que tu fais des réflexions à toi, c'est méta. Enfin, des réflexions qui sont propres à ta personne et pas à ton personnage, c'est méta. Enfin, les personnes l'auraient utilisé quand tu fais jouer ton personnage de manière... complètement illogique par rapport à sa psyché ou ses connaissances. Mmh. Et donc moi j'évite de faire ça, et j'étais très très bien conscient que j'avais très vite reconnu le parallèle, les gris d'ailleurs, moi ça me fait penser à vert de gris. Mmh. Voilà la couleur de l'uniforme. Alors je me permets de te rappeler des éléments de la, du contexte. notamment que Piotr vous incitait à saupoudrer une poudre grise qu'il récoltait dans la cathédrale noire, le temple sacré du temps jadis. Et le plus haut du peuple. Pour lutter contre les ersatz. Après, en soi, il y a déjà le... Après, sur le communisme, la troupe de l'organisation, c'était aussi très réaliste, parce que notamment le fait de péter les lunettes et les exactions de ce genre, je pense qu'on peut qu'énumérer le nombre de... On peut même plus, pardon, énumérer le nombre de fois où ça a été fait dans des régimes dits communistes, qui en fait étaient plus stalinistes qu'autre chose. Donc ça, c'était parfaitement dans le ton, et je savais très bien que j'allais avoir ça, ou pire. Alors, est-ce que tu as trouvé le ton de la seconde partie horrible? Horrible à titre personnel, oui, mais c'est pas une horreur qui m'effraie tant que ça. Enfin, c'est triste à... triste à dire, mais j'y suis habitué à ce genre de... Est-ce que pour toi, ça t'évoquait quelque chose avoisinant? C'est juste savoir si on était dans la même atmosphère, Idies Matri. Ah oui, totalement. J'ai... À un moment, moi j'attendais que tu me dises que finalement je retrouvais les miens, que c'était pas un des vieux, justement, des miens, pour lui dire « Idies Matri », c'était ce que je voulais caser, et puis bon, bah finalement, ça s'est pas fait, mais... D'accord. Donc, tu étais dans cette atmosphère-là. Oui, oui. Enfin, déjà, c'est l'une des seules références cinématographiques que j'ai sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs sur le monde communiste à ce moment-là. Enfin, le monde communiste sous Staline. Oui, j'étais complètement dedans. Voilà, moi j'avais ces questions-là à te poser. Est-ce que le fait que tu ne connaisses pas les principes de la mécanique, pour l'instant, t'a gêné? Pas spécialement, parce que de toute manière, même quand je connais la mécanique, j'en ai un peu pas grand-chose à faire en temps normal. Je pense que tu l'éprouves assez fréquemment. Mais ça t'a quand même interrogé de voir les pierres noires arriver? Ouais, les pierres noires, pour moi, c'est négatif depuis Mori, en fait. Et puis même, il y a eu un autre jeu entre-temps où tu réutilisais les galets. Les pierres noires ont été posées dans certaines circonstances, les pierres blanches dans une autre. La mécanique fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, il y a une... Oui, j'ai bien remarqué que c'était comme dans Mori, c'est pas une mécanique qui se sent trop. Et c'est d'ailleurs ce que... Enfin, pour le moment, ça me gêne pas du tout de jouer à Charon, parce que t'as le même côté que t'avais dans Arbre, t'as le même côté que t'avais dans Mori, t'as le même côté que t'as dans... comment il s'appelle, Choubligorat, t'as le même côté que dans Sève. Le 6, c'est un système très léger et qui se fond littéralement dans la fiction. Le côté en plus galet, ça reste dans la charogne, le fait qu'on ait quasi rien, qu'on soit des traits de misère. Bien Milvanien comme atmosphère. C'est une atmosphère, donc bien Milvalienne plutôt. Et je pense que c'est tout. D'accord. Donc tu es disposé à jouer la suite. Mais oui, j'ai bien compris que ça commence à se faire tard. J'ai pas envie de réitérer l'exploit d'hier. D'accord. Mais donc, sur le principe, tu ne t'opposes pas à jouer... parce que, sans déflorer le sujet, on l'a évoqué il y a quelques moments, tu as compté les pierres, tu as compté les phrases. Oui, à la base, il y en avait 9. 9 phrases, on a joué 2 étapes, donc on peut supposer légitimement qu'il y en a 9. 9 étapes. Oui, enfin 9, donc... moi ça me fait penser à la mythologie nordique, justement. Et quoique, il y a aussi, je crois, le bouddhisme où tu as une notion de 9 temps. Je sais plus du tout. Mais alors, nordique, c'est sûr. Il y a aussi les 9 mondes chez les nordiques. Le 9, c'est l'équivalent du 3 chez les nordiques. Et germain, d'ailleurs. Enfin, germain, slave, nordique, pendant longtemps, ça a été une mythologie très proche. Et il me semble que dans le bouddhisme, t'as aussi une notion des 9 temps. Je suis plus tout à fait sûr. Mais de toute façon, dans le bouddhisme, t'as un sacré nombre de symboles, de chiffres, d'harmonies à respecter. Et donc, ça peut être une des. C'est très sûrement une harmonie du bouddhisme. Mais j'ai assez peu de connaissances sur le bouddhisme. Et le bouddhisme change selon les régions. Entre l'Inde et la Mongolie. Enfin, bref, je vais pas non plus m'épancher et faire. sur le trop sur le sujet. Mais je pense que c'est soit en référence au système nordique. Même si j'en doute, parce que c'est pas une notion. Enfin. C'est pas une notion philosophique, et je pense que t'as quand même derrière Sharon le côté. Tes études, toi, derrière, par rapport à l'esthétique de la Sharon, je pense que t'as une logique, une philosophie par rapport à ça. Oui, je dis pas que tu l'as créé, je dis pas que tu as créé cette philosophie, au contraire, ouais. Je pense que tu l'as emprunté. Enfin, en soi, tu l'as créé, mais tu l'as créé en empruntant à tout le monde. Voilà. Soit comme on prend tout. Enfin, c'est l'humanité qui fait ça, elle n'a jamais vraiment inventé des choses. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci Lavoisier. Mais donc, je pense qu'il y a plus. Enfin, dans la mythologie nordique, t'as pas ce côté philosophique. Enfin, moi, je l'ai pas retrouvé lorsque je l'avais étudié à fond, la mythologie nordique. Alors qu'en revanche, dans le bouddhisme, j'ai limite tendance à dire que le bouddhisme n'est quasi pas une religion, c'est plus une philosophie. Et la plupart des croyants sont pas dans une... après, il y a les Birmans, là, ces derniers temps, qui font les oies et qui ont tendance à remettre ce que je vais dire en cause. Mais quelqu'un de bouddhiste, pour moi, c'est pas tant un religieux, c'est quelqu'un qui a une philosophie de vie certaine, qui croit en un certain équilibre, et puis qui a des images, des contes par rapport à cela. Pour moi, c'est aussi c'est le principe de toutes les religions, je suis d'accord, mais c'est pour moi le principe religieux de croire en le Dieu et laisser derrière les principes. Je trouve que ça se fait beaucoup plus dans les autres religions. Enfin, à part les oies birmans là qui font un petit génocide dans leur coin, mais moi c'est aussi un charme que j'avais trouvé à cette religion alors que je suis complètement athée et que. Je pense que pour ma part là j'ai recueilli l'essentiel des questions que je me posais par rapport à ces deux premières étapes. J'avais deux questions qui m'avaient été posées par Guillaume. J'ai répondu par anticipation à l'une, et c'était autour de la création des personnages. Donc, il y a le temps d'harmoniser. J'imagine que ce qu'ils se demandaient par rapport au personnage, c'est comment le personnage. Sachant qu'on n'a pas le contexte, comment le personnage peut être adapté. Je pense que ta réponse était une phase, entre guillemets, d'harmonisation, d'échange. Non, sa question c'était je ne serais pas capable de trouver les attaches. Mais pour moi, je pense que c'est un. Comme ça, sans autre précision. Et donc, en fait, ma réponse c'est de dire que les attaches elles sont en lien avec les 6 paradigmes du niveau. Après, pour le moment, je trouve que c'est. Mon truc il s'est trouvé relativement cohérent. Bon, tu m'avais donné quelques indices en début de partie. Le enneigé est révolutionnaire, donc il y avait de grandes chances que ce soit la région de la Bavière allemande en le temps des révolutions spartakistes, mais pendant l'hiver. Ça pouvait être une possibilité, c'est pour ça à chaque fois j'ai mis Piotr et Karl, parce que Piotr non russe, non slave, et Karl non à consonance allemande. Et comme ça, ça me permettait, sachant que c'était mes deux plus grosses probabilités, de forcément avoir un personnage dans le vrai, sachant que Piotr faisait Piotr Kropotkin, donc ça pouvait être quelqu'un. Enfin, je pouvais m'inspirer de la personnalité, et Karl Marx, où je pouvais. Il y a plein d'autres Karl en Allemagne. et je pouvais me à chaque fois il y avait une, soit un personnage que je pouvais créer toute pièce qui était en cohérence avec l'univers que je présupposais, soit une symbolique propre au nom du personnage. Et, mais à chaque fois, j'ai mis derrière ça, derrière chaque attache, au moins 3-4 idées, dont minimum une de symbolique. Pour, même si, j'étais dans le faux, par exemple, la vallée, il se trouve que c'était pas la vallée, mais la ville et la forêt. Donc, pour le coup, j'étais dans le faux. Mais, non, dans le vrai. Mais enfin, dans un semi-vrai, je dirais. Il y a toujours une part de vérité, de toute manière. Ouais. Mais tu as choisi justement le bon terme, parce que là, l'ancrage, tu es ancré dans la vallée de Pripyat. Oui, je suis tombé pile dedans. Voilà. J'ai eu la chance de faire ça, mais de toute manière, j'avais de quoi me remettre. Non, la cocarde, ça pouvait être. Déjà, la cocarde, je l'ai expliqué, parce que je savais très bien que je ne jouais pas en France. Enfin, parce que dans les Vosges, en Alsace ou en Savoie, je vois pas trop ce que des révolutionnaires communistes ont fait vraiment. Hein. C'est pas des régions qui ont été vachement communistes. Donc ça me paraissait un peu bizarre que la cocarde, symbole français, ce soit. Je tombe dans le vrai. Et donc, plutôt que de perdre un certain nombre d'attaches, c'est un petit côté calculateur, mais c'était pas tellement dans le calcul, mais aussi pour l'image poétique que je préfère, plutôt que dire liberté, égalité, fraternité. Long et lourd pour moi, je préférais utiliser le terme de cocarde. Et donc, moi, mon conseil par rapport à ces attaches, c'est toujours de trouver 3 ou 4, un certain nombre de possibilités. De substitution. De, oui, d'ersatz. Donc, minimum une de symbolique, comme ça, même si tu es dans le vrai sur les 3 autres, même si tu es vraiment dans le faux dans les 3 autres. Et que même dans l'harmonisation, ça te permet, toi, de t'en sortir dans l'harmonisation. Et la vallée, par exemple, je me suis retrouvé dans les montagnes, dans la région montagneuse de Carélie. La vallée, ça aurait été les gens. La vallée, les gens de la vallée. Enfin, voilà, il y a aussi. Bon, là, c'est la poésie, mais bon. Je pense que, en plus, Guillaume, qui est relativement, quand on a joué avec lui, et de ce que j'en ai compris quand j'ai échangé avec lui, c'est quelqu'un qui est relativement penché sur la poésie, je crois même qu'il a fait un recueil. Je pense que cette notion d'attache et d'image à quadruple sens, c'est relativement proche du poète, puisque le jeu du poète, pour moi, qui écrit un peu de poésie, c'est de jongler avec un certain nombre d'images pour créer une histoire très très belle, mais sans s'embêter à tout rédiger forcément et pas être tout le temps dans l'explicite, mais dans la suggestion. Et donc je pense que c'est un jeu qui a quand même une grande poésie à l'intérieur et qui peut notamment plaire, je pense, beaucoup à Guillaume en jeu. Et donc l'autre question qu'il avait posée, elle avait trait au temps des étapes. Du coup, en fait, il se laisse filer. Après, je me demande si Charogne, pour moi, Charogne, ce serait très intéressant qu'il soit en carte rouge. Après, ça va être dur de le réaliser, puisque le principe, c'est que on a. Du coup, ça voudrait dire que en carte rouge, moi, ma proposition pour la carte rouge, donc j'y suis, c'est qu'il y ait en fait soit un sacré nombre de joueurs, mais même 4, et que donc nos attaches, nos suggestions, la phase d'harmonisation soit plus longue, qu'on puisse passer un tout petit peu par du méta, mais vraiment rester. Essayer de rester. Faut pas trop y rentrer pour moi. Et en fait, c'est on va créer le truc sur les différentes suggestions en s'accordant. Et je pense que et les temps se définissent. Enfin là, c'était un peu guidé par toi, beaucoup même. Mais je pense que le truc dure minimum 30 minutes. Après, ça peut aller jusqu'à 50 minutes, voire ça peut dépasser une heure, je dirais pas plus d'une heure et demie quand même, parce qu'après ouais. c'est relativement peut-être lourd si on est sur un principe de temps et qu'on essaye d'enchaîner quand même. Enfin, après, ça peut être comme l'empreinte, la façon dont on jouait une heure, enfin ouais. un temps par semaine, enfin, par session plutôt, ouais. Même si ça, c'était les semaines. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop. Enfin, il y a une relative flexibilité, ça dépend de la table, mais ça peut être, ça peut pas être 5 minutes, ça c'est clair et net. Ça peut pas être 20 minutes pour moi, parce qu'en 20 minutes, tu as le temps à peine de construire le début de ton intrigue. Je ne pense pas qu'on ait forcément joué très longtemps. On est dans l'amplitude que tu recommandais. Le premier a duré 38. Oui, mais l'harmonisation, pour moi, elle est relativement rapide, surtout si on a la notion de suggestion que je propose. Bon, après, c'était peut-être pas ce que tu avais, toi, en tête. Très bien. Et la deuxième phase a duré un petit peu plus, mais guère plus. Donc, on est sur un équilibre qui est un peu comme l'empreinte. C'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est un empreinte, pour moi, beaucoup plus poétique. C'est un mélange entre Choumigoua, tout avait aussi la notion des temps, entre l'empreinte, entre sève et entre arbre. Enfin, pour moi, c'est les jeux, en se référant à Milvaux, qui se révèlent être, pour moi, les fondateurs de Charogne. Après, on peut peut-être citer Terre de Sang, et plus particulièrement Terre de Sang et Milvaux. Mais pour moi, c'est un peu trop dans l'aventure, alors que ton Charogne peut se passer très statiquement et beaucoup plus. Enfin, Terre de Sang et Milvaux, tu peux être dans du statique, mais je pense, enfin, du moins dans nos playtests et dans notre façon de l'avoir joué, c'est toujours dans une notion d'aventure, enfin d'une épopée, enfin pas forcément une épopée dans le sens héroïque du terme, mais balade, ouais, c'est une balade poétique, ouais. Je dirais, dans l'univers de Milvaux, mais une balade dans le sens médiéval, t'as quand même de l'action, donc ça peut rentrer dans du statique, mais dans ce cas-là, c'est à beaucoup de suggestions et c'est relativement bizarre pour moi pour du Terre de Sang de Milvaux. Mais pour moi, donc ça peut être une des sources, mais comme dans Charogne, je pense que tu peux faire beaucoup plus de statique que dans Terre de Sang et Milvaux. C'est pour ça que j'ai tendance à l'écarter. C'est pas du tout que je trouve le jeu. Et je sais que tu l'apprécies tout particulièrement. Je te remercie de toutes ces informations et comme ça, je vais pouvoir te libérer pour que tu puisses aller te reposer. Merci, Guillaume.